notre pays qu'on voit d'en haut. Du haut des airs où tout est clair, c'est un grand bateau de terre et de misère, amarré à l'Amérique sur le bord de l'Atlantide. Notre bateau qu'on voit dans l'air, dans un oiseau aux ailes en fer, c'est un beau saumon de mer qui veut remonter la rivière où il est né pour frayer la liberté. Notre poisson a de la misère à nager dans la pollution. Notre pays qui prend la terre, en haute mer naviguera, fera un voyage sur les eaux du ciel, dans un soleil de silence, pure transparence. Notre pays, c'est un oiseau qui rame en l'air dans l'univers. C'est la mer en allée vers la liberté, entraînant des continents vers le pays infini. Notre pays, c'est un boulot, un beau canot qui va sur l'eau. Il coule en forêt vierge, voir les orignaux, les personnages du printemps, le chant du vent dans les feuilles. Notre pays est en dedans, un soleil blanc dans notre sang, la chair. Un pays de monde heureux qui se regarde dans les yeux. Notre pays, c'est notre corps, c'est notre esprit, c'est notre vie. We'll be right back. C'est vous autres! C'est vous autres! C'est nous autres! C'est tout le monde ensemble!